Bienvenue sur le shortcast de Hardcast. Salut à tous pour le premier shortcast de Hardcast. Je vais aujourd'hui vous présenter deux de mes coups de cœur que j'ai découverts sur le portail Jamendo. Si vous ne connaissez pas Jamendo, c'est un site où on peut écouter et télécharger des musiques libres de droit que les artistes nous mettent à disposition pour pouvoir se faire connaître. Donc mon premier artiste que j'ai découvert s'appelle Fresh Body Shop. C'est de l'acoustique pop rock. C'est du bon, franchement, c'est très bien. Je vous laisse avec une chanson qui s'appelle World of Happiness, qui est tirée de l'album Orgamilk. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Mon deuxième artiste que j'ai beaucoup aimé aussi s'appelle le Diablo Swing. Vous avez sûrement pu l'écouter, donc c'est le générique du podcast. C'est la chanson Balrog Boogie tirée de l'album The Butcher's Bedroom. Je vous laisse avec ça, c'est du jazz rock et c'est du bon. J'espère que vous avez aimé. Donc voilà, c'était Fresh Body Shop et Diablo Swing. Je vous laisse donc aujourd'hui. C'était le premier shortcast. Vous pouvez me retrouver sur Twitter à Hardcast Podcast ou à l'adresse suivante contact@hardcast.fr. N'oubliez pas que vous pouvez aller voter sur iTunes et il faut s'abonner. Ciao.